Insane. Oh yeah. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, en as-tu rien à faire? Quoi? Ils peuvent détester ma musique, moi je n'ai rien à perdre. Je crois que les politiciens ne m'aiment pas parce que j'ai choisi le rap. Tout comme un super-héros exclu parce qu'il n'a pas de pouvoir et de cap. Le rectorat ne peut rien faire pour moi, pas besoin de doctorat. Dans les médias, les hits m'auraient laissé une place auprès de Booba. Booba, j'ai pas non plus besoin de tomber encore plus bas. Que là, si les paroles profondes ne marchent pas, ça là n'en aura pas, tu vois. Je crois qu'il n'y aura que mon tatouage qui restera en moi. Malgré ça, je ferai tout même si je dois avancer que de bas en bas. Mais faut prendre son temps, hein. Après tout, l'avenir nous appartient. C'est pas ton voisin qui décidera pour toi de ce que tu feras demain. Mais les coups de main du destin restent à prouver, les dieux restent à trouver. Moi, je suis pas un prophète, je suis un mec que le système a trop saoulé. Mais je suis loin d'être le seul, nos rêves ne se réalisent pas. Chaque matin, je fais mon deuil une fois que mon réveil sonne, crois-moi. Et je crois que ça nous touche tous, c'est aussi bien pour toi, pour nous. Je continuerai d'y croire, mais dis-moi pourquoi je nage. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, en as-tu rien à faire? Ils peuvent détester ma musique, moi je n'ai rien à perdre. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, est-ce le son de l'enfer? Je crois que j'aurais tout essayé, et je ne sais plus quoi faire. Je comprends plus rien, dis-moi tout, en quelle année sommes-nous? J'ai bu la tasse à cause du son et ça m'a rendu sous. Je suis devenu fou, pareil chaque jour, chaque nuit j'écris partout. Je suis sur chaque coup avec Mesgo toujours présent dans le crew. Le grand Manitou. Je peux pas vivre sans mes pros, ça serait comme Titi sans son matou. J'avoue, ça serait comme Tata sans son Milou. Un enfant sans Adibou, comme un riche sans ses sous. Ou nous sans nos soucis, je sais même plus ce que je dis, mais t'as compris le principe, c'est simplement ma vie. Je suis ravi, mais dis-moi pourquoi les chances ne répondent jamais présentes. J'ai tendu les bras, mais je n'ai reçu qu'une défaite cuisante, décevante. Alors dis-moi comment remporter des trophées. À moins que j'en ai déjà trop fait, c'est plus facile de faire coffrer que de s'installer à Saint-Tropez. Ok, c'est vrai, mais je reste topé. Ouais, je l'admets, toujours pareil, avancer dans l'océan du son avec le mic comme baguette. Alors je continuerai même si mon inspiration se dégrade. Dis-moi simplement pourquoi le rap m'a accepté qu'au plus bas des grades. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, en as-tu rien à faire? Ils peuvent détester ma musique, moi je n'ai rien à perdre. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, est-ce le son de l'enfer? Je crois que j'aurais tout essayé, et je ne sais plus quoi faire. Dis-moi pourquoi les gouvernements veulent la paix mais font des armées. Chaque année toujours bien plus armées pour que les ennemis soient alarmés. C'est pas près d'être un monde parfait, dis-moi comment faire. On imagine qu'on montera au ciel alors qu'on nous pose en terre. Mais personne meurt encore de faim mais on reste retourné. Aveuglé pendant qu'on fait des caps quand nos ordis se mettent à bugger à longueur de journée. Alors dis-moi pourquoi je ne suis pas différent, même si j'en parle. Faudrait qu'on nous dépose dans des airs entourés de sable. Dis-moi pourquoi les dieux ne peuvent rien faire. Peut-être que la terre c'est l'enfer aux yeux des autres planètes vu qu'on la fout bien en l'air. Trop de secrets dans les gouvernements alors dis-moi tout. Pourquoi on se pose autant de questions sur la mort? Trop de doutes, je tiens le coup. Amoché comme un boxeur qui a mal au cou à force de se prendre des coups partout. Sachez que face au micro je vous dirai tout. Comme un mec sous, assombri, cassombré dans l'alcool. Tout est bon à dire et je continuerai même en tant que bénévole. Mais dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, en as-tu rien à faire? Ils peuvent détester ma musique, moi je n'ai rien à perdre. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, est-ce le son de l'enfer? Je crois que j'aurais tout essayé, je ne sais plus quoi faire. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, en as-tu rien à faire? Ils peuvent détester ma musique, moi je n'ai rien à faire. Dis-moi tout, je nage pas l'affaire. Pourquoi me regardes-tu comme un fou? C'est pas nécessaire. Dis-moi tout, est-ce le son de l'enfer? Je crois que j'aurais tout essayé, je ne sais plus quoi faire. Dis-moi tout, dis-moi ce que je dois faire. J'ai voulu déposer de l'or, mais je n'ai que du fer. Dis-moi tout, j'ai les genoux à terre. J'aimerais avoir tort, mais cette vie est l'enfer. Dis-moi tout, hey. Dis-moi tout, yeah. Dis-moi tout, hey. Dis-moi tout, yeah.